Ici Hugo Maltais, président du hockey mineur de Robertval. En mon nom et au nom de tous les membres du hockey mineur, nous voulons féliciter Samuel Girard pour son rang de sélection lors de la dernière séance de repêchage tenue à Buffalo. Samuel est un exemple pour tous les jeunes hockeyeurs de Robertval et de la région pour sa grande détermination, son courage, sa ténacité. Donc, nous souhaitons un franc succès à Samuel pour les années à venir. Il a fait bonne figure lors de sa première participation au championnat du monde junior en République tchèque il y a à peu près une semaine. C'est Victor Véraud de Saint-Félicien qui a terminé au 33e rang. On a parlé quand même avec Alexandre Gagné, son entraîneur dans le bulletin de sport local, et il était vraiment content de son potager. Et question de savoir comment ça va, ben on lui parle. Salut Victor! Victor, bon. Première expérience en République tchèque au championnat du monde. Comment tu as trouvé ça, 33e? Est-ce que tu étais nerveux? Oui, le stress était là, c'est sûr, mais j'avais pas beaucoup d'attente. Okay. Côté mondial, j'avais pas fait vraiment. J'avais fait une course en Suisse, mais je pouvais pas me baser là-dessus. Ok. Là. Est-ce que les pistes sont différentes? Est-ce que les trajets sont différents là-bas? Comment ça fonctionne en fait? Ben là-bas, là, d'après les plus. Moi, j'étais avec l'équipe canadienne, puis la plupart du monde trouvait que c'était le plus beau parcours qu'il avait jamais fait. Ok. Là-bas. Le plus beau parcours, c'est la Coupe du Monde. Là. Puis c'est différent un peu d'ici parce que tout est fait à main. Okay. Puis c'est toutes des choses placées à main. Là, puis mettons là-bas, lui, le parcours, il y avait tout à quelque chose là, d'impressionnant. Puis c'est plus un show que ici. OK, ben c'est sûr. Je pense que là-bas, là, c'est très populaire hein, comparé à ici. Hein? Oh, oui, là-bas, ben, pour la course des élites, là, homme, là, il y avait 50 000 spectateurs. Là, OK. Toi, quand tu vois ça, j'imagine que ben là, ça fait quand même pas mal d'années que j'entends parler de toi. C'est la première entrevue, mais ça fait longtemps que je parle de toi. Quand tu vois ça, ça te motive-tu pas mal à continuer? Quand tu vois 50 000 spectateurs pour la compétition élite, j'imagine que ça doit t'encourager pas mal? Ouais, mais j'aimerais ça me ramener, c'est sûr, pour avoir autant de fans que ça. Nous autres, on en avait aussi pendant notre course, mais un petit peu moins, c'est sûr. OK. Mais c'est sûr que c'est motivant. Là, OK. 33e place, t'as eu un accident. Parle-moi de ton accident. Semble-t-il, si t'aurais pas eu ça, ça aurait été encore meilleur, que ça aurait encore été mieux comme résultat, quoi? Ouais, ben là, comme... moi, je suis parti sur la 6e ligne au départ. Okay. J'étais 43e. J'ai réussi à garder mon rang jusque la boucle. On avait une boucle de départ d'environ 2,5 okay. km. C'est pour préparer le pack, là, parce qu'on était 100 coureurs. Fait que, bon, on peut pas rentrer dans le bois. Ben ouais. Puis, durant la boucle de départ, première, il y a comme une descente à une place, là, puis il y a deux, tu peux choisir deux lignes, là. C'est vraiment deux trajets différents. Okay. Puis, j'ai descendu là-dedans, le côté, peu importe, là. Puis, ma chaîne a débarqué en descendant. Puis, quand j'ai arrivé pour remonter, ben là, ma chaîne était rendue à terre. Okay. Ben, tu sais, a débarqué mon plateau en avant, fait que là, il a fallu que je remonte ça. Ben, il faut que je débarque, tu sais, j'ai une vitesse en avant, fait qu'il a fallu que je débarque dans mon vélo. Je remette ma chaîne. Puis là, j'ai été passé par environ peut-être 20 personnes. Là. Donc? Puis je me trouvais environ 40e, là, à ce okay. moment-là. Donc, si t'aurais pas eu cet incident-là, ça aurait été logique de penser quoi, 15-20e? Ouais, environ, j'aurais au moins top 25, là. OK. Donc, j'imagine que des championnats du monde junior comme ça, ça joue plus féroce que dans d'autres compétitions, hein? Oui, ben nous autres, pour les juniors, c'est ben même pour tout le monde, c'est la course la plus féroce, dans le fond, elle qui joue, que le monde veut le plus gagner, là, c'est sûr que c'est la meilleure course de okay. la vie. Toi, tu y allais là pour prendre l'expérience, j'imagine? Ouais, ben c'est ça, nous autres, avec l'équipe de développement canadien, okay. c'est, dans le fond, le projet qu'on a là, nous autres, c'est vraiment pour prendre l'expérience, puis en même temps, avoir des bons résultats au niveau international. C'est... OK. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent? Pour cette année, pas au niveau international. OK. Là, les projets sont finis. OK. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi d'ici la fin de l'année? Bon, il y a Saint-Félicien. J'imagine que pour toi, Saint-Félicien, c'est une course spéciale. Ouais, là, c'est sûr que ça va être un de mes points dans l'année que je vais vouloir performer. Si OK. Parce que je vais chez nous, puis en plus, c'est une Coupe Canada, donc c'est quand même important. Ouais. Pour essayer de garder mon... Parce que là, présentement, j'étais 3e au niveau canadien. au classement cumulatif. Fait que si je fais une belle performance, je vais être capable de garder mon pointage. OK, OK. Par la suite, j'imagine, il y a les lâchés, qu'il y en a une au Mont-Saint-Anne, il y en a une dans la région de Québec aussi, des compétitions? Oui, ben, comme au Mont-Saint-Anne, ça, c'est une Coupe du Monde, mais vu que le circuit de la Coupe du Monde, nous autres, on n'est pas. Les juniors, il n'y a pas de course, fait qu'on peut pas. OK. Faire. Fait que c'est pour ça que je disais, mettons que le championnat du monde, là, c'était la seule course junior qu'il y a au niveau mondial. OK. OK. Donc, tu te vois où, Victor? Ça fait plusieurs années que. Ça fait plusieurs années qu'on parle de toi. Je me rappelle d'une performance aux Jeux du Québec il y a quelques années. Ça commence l'année prochaine. Puis là, on disait à l'époque, peut-être qu'il est trop jeune pour continuer. Là, maintenant, tu te vois d'ici 4 ans. Est-ce que là, tu vois un Liam Bouchard qui est rendu loin, Antoine Duchesne également? C'est sûr qu'Antoine Duchesne, lui, c'est sur route. Toi, c'est sur vélo de montagne, mais quand même. Il y a quand même, ça démontre à quelque part que même si on est en région, on peut performer. Toi, tu te vois où? Peut-être dans 4 ans. Est-ce que les Olympiques, c'est quelque chose que tu te vois? Oui, c'est sûr que ce sera un rêve. Peut-être pas dans 4 okay. ans. Mais je sais qu'à m'amener, j'aimerais ça vraiment ça. Là. C'est un de mes rêves de participer aux Olympiques. En OK. Est-ce que ton entraînement, est-ce que c'est dur? Comment tu mets de temps à peu près sur ton entraînement? Sur mon entraînement, ça doit être, je pourrais dire, peut-être 15 heures semaine, okay. 15-16 heures semaine, tout dépendamment des semaines d'entraînement. OK. Mais, ouais, là. De vélo, tout simplement, là. Tu mets pas une semaine, est-ce que tu t'en mets autant sur la forme physique également? Tout ça fait sur le vélo en même temps. OK, tout ça fait sur le vélo en même temps, OK. Ouais. Bon, ben, Victor, c'était très, très intéressant. On va se reparler sûrement durant l'année pour voir comment c'était. Prochaine compétition pour toi, c'est quand? Là, en fin de semaine, j'ai Chibougamau, une course régionale. Okay. Après ça, c'est le championnat canadien à Baie-Saint-Paul, puis ensuite, c'est Saint-Étienne. Okay. Bon, on s'en reparle sûrement une couple de fois durant l'été. À cette heure que la glace est cassée, on va s'en reparler. Parfait. Victor Véraud de Saint-Félicien, une étoile montante dans le vélo de montagne dans le secteur.